j'ai envie de gerber quand je vois la daube qu'on me fait becter, de la vache folle, des patates congelées, du corps en bouffe recyclée. La note, elle est très très salée, et le jambon bien trop fumé. La chaîne, il est plombé, on nous le fait avaler. Quand l'appétit ne va pas, non, rien ne va, non, rien ne va, non. Quand l'appétit ne va pas, non, rien ne va, non, rien ne va, non. La matière grasse des excipients pour élever le président, qu'il soit en plâtre ou en ciment, le mur est là, on rentre dedans. L'hamburger sur le canapé, la fâche va mal bourriquer, la gastro elle est assurée, vise la frelouque des WC. Quand l'appétit ne va pas, non, rien ne va, non, rien ne va, non. Quand l'appétit ne va pas, non, rien ne va, non, rien ne va, non. Je parle pas du lait, mais la minée qui fait grandir tous les bébés, de la mozza dioxinée qui garnit nos pizzas aux déchets. Lafte mouton, le canard grippé, que de barbac intoxiqué, Miss Listeria en liberté, Miss Salmonelle embarquetée. Quand l'appétit ne va pas, non, rien ne va, non, rien ne va, non. Quand l'appétit ne va pas, non, rien ne va, non, rien ne va, non. Champignons pour Tchernobyl et pâte OGM pour patauger, un peu de semoule pour pédaler et pour le rab régurgiter. Je ne veux pas vous dégoûter, même des célèbres ont renoncé, maintenant ils font publicité, ils font du pèse quand vous pétez. Comme les poissons sont trop carrés, il ne reste plus qu'à la fermer, car si tu l'ouvres, t'es surgelé, et si t'insistes, t'es fripané. Pourtant j'en ai tant à chanter, à canter, canter, décanter, mais le pinard est frelaté et mon permis il a sauté. Quand l'appétit ne va pas, non, rien ne va, non, rien ne va, non. Quand l'appétit ne va pas, non, rien ne va, non, rien ne va, non. Quand l'appétit ne va pas, non, quand l'appétit ne va pas, non. Quand l'appétit ne va pas, non, rien ne va, non, rien ne va.